La Corée s'intéresse beaucoup à l'éducation des enfants dans la sécurité routière. Des parcs nécessaires sont construits particulièrement partout dans le pays. Les parcs de circulation pour enfants de Kangae et de Rasun viennent d'être mis en service. Les enfants et les élèves, depuis l'école maternelle jusqu'à l'école secondaire de cycle supérieur, y peuvent apprendre le code de circulation et les règlements en utilisant des moyens et équipements intéressés.